Bon, et quoi les gens? Alors, ah, il y a des gens que je suis censé connaître ici. Un, deux. Il y a Sharon ou c'est moi là? Sharon, ça doit faire au moins 3 ans que je l'ai pas vue. Ça fait un bail. Toujours là. Chose à vous raconter. Oui. fait longtemps, Sharon. Je suis bien content que tu sois là. Tu vois, je suis toujours fidèle au poste, moi. Allez, fa dièse. Fa dièse avec une basse de ré dièse. Oh, Shannon, oui. Ah bah c'est bien ça. Thank you. Thank you. know me. Stay. Don't do a smooth escape. Ajoute-moi Shannon. Ajoute-moi sur Facebook si tu veux. Ah. Putain, si vous jouez du YouTube, là c'est bon ça. Ok, je vais regarder, je vais accepter.